ouais. Dawat, Arco, pour tous les mecs qui restent à l'écoute. Ouais. Sous les tours de béton, combien sont saoulés. Du gris de base en à côté, les caniveaux de la pensée. Des rivaux se battent pour la femme, la flamme ou la monnaie. Ça cogite, la foule s'agite, ça bouge de tous les côtés chaud. Faut faire sa place, la chasse commence en glance, tout ouf chouf. Des délinquants face au shérif et pas le time pour dire ouf. Tous pouf, des barres de la life, en live and direct, direct. Des amants, des futurs qui persécutent en pleine tête. Je le dis direct, c'est du direct. Protège ton dos des affaires surtout. Elle serait des super corrects, mec. Ouh, jamais, jamais, jamais de ton existence tu verras le bout. Tu verras le bout. Je te dis direct, c'est du direct. Protège ton dos, tes affaires surtout. Laisserait des super corrects, mec. Ouh, jamais, jamais, jamais de ton existence tu verras le bout. Tu verras le bout. Je suis insoumis, j'ai pas mis de sous assez de côté pour voir ce qu'il y a au-dessus. Voir le monde en dessous entre nous, ça laisse rancœur à cœur à laquelle on tient. Ce monde comme d'autres, j'aimerais juste pouvoir marcher dessus. Insoumis, parmi d'autres insoumis. Les coups, les bises de fou, d'impeccable forme, qu'on pète les câbles. Les meufs de ma génération à la peau ferme, bon à rien. Génération de bon à rien, qui cherche à faire derrière des barres de fer. Une grande carrière, là la bannière, pas la barrière. Qui délimite les militants sans limite, sans limite, sans limite, sans limite, sans limite. Je te le dis direct, c'est du direct. Protège ton dos des affaires surtout. Laisserait des super corrects, mec. Ouh, jamais, jamais, jamais de ton existence tu verras le bout. Tu verras le bout. Je te le dis direct, c'est du direct. Protège ton dos des affaires surtout. Laisserait des super corrects, mec. Ouh, jamais, jamais, jamais de ton existence tu verras le bout. Tu verras le bout. Sans foutre trop de soucis pour la galère, je sais pas ce qui me suit. Ça n'a pas l'air, mais ça bousille la vie. Sans pépettre, prise de tête, c'est la merde. Juste au bout, et je vous parle pas de toutes les dettes. De quoi faire sur les ondes, un putain de boxon. De quoi mordre au mic aussi fort qu'un bosseron. Car c'est la misère qui rend les gens enragés. Comme dans les poches, c'est plaisir, et t'as l'envie de t'engager. Vise, il faut se targuer à l'ise. Please, laissez-moi donc faire à ma guise. Je te dis direct, c'est du direct. Protège ton dos des affaires surtout. Elle serait des super corrects, mec. Ouh, jamais, jamais, jamais de ton existence tu verras le bout. Tu verras le bout. Je te dis direct, c'est du direct. Protège ton dos, tes affaires surtout. Laisserait des super corrects, mec. Ouh, jamais, jamais, jamais de ton existence tu verras le bout. Tu verras le bout. Arco se représente sur la street tape. Arco se représente sur la street tape.